Salam. L'audio va s'intituler Ta route, vous n'avez que ça en bouche. Pourquoi toujours utiliser ce terme? En gros. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Ben, en fait, moi, je suis plutôt le genre de personne, si vous voulez, qui fait des audios de façon un peu spontanée. Hein? Instantanée dans le sens où. Bon, j'ai commencé mon premier audio en 2005 et depuis j'en ai fait une dizaine. Donc on va arrondir ça en 10 ans, j'ai fait peut-être 10 voire un peu plus d'audio, peut-être une quinzaine, mais pas plus. En 10 ans, donc voilà, je suis pas le genre de personne qui va donner son avis sur tout et sur rien. Je suis juste un rapporteur. J'ai toujours fait des audios à un moment où j'ai vu que enfin, le climat qu'il y avait autour de moi, le paysage francophone qu'il y avait autour de moi, les frères qu'il y avait autour de moi, etc. Il y avait une certaine confusion. Je ne dis pas que je suis l'élu et que je suis venu rapporter la réponse, non, je donne juste une petite pierre à l'édifice. Mais j'ai toujours été dans ce rôle-là, dans tous mes audios, à savoir le rapporteur de savants méconnus, de savants qui sont coupés médiatiquement, pour essayer de les faire connaître à la populace. Pourquoi pas? Donc voilà. Et en même temps, ça m'arrange parce que si Allah, l'exalté, accepte mes modestes rappels auditifs, ben Inch'Allah, on va pas cracher dessus. Hein. Quel fou et quelle fourbe cracherait dessus. Donc voilà, c'était en préambule. Donc, pourquoi j'ai choisi ce thème? Ben en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que sûrement, autour de vous, ou bien vous avez entendu cela, ou vous l'avez vu, ou autre, ou vous l'avez lu d'ailleurs, pourquoi pas, il y a cette atmosphère, ce petit climat, à savoir, hein, où des porte-étendards de ce fameux slogan sont en train de se répandre un peu partout, à savoir, hein, un slogan dans l'ordre du questionnement, à savoir pourquoi vous ne parlez que du tarot. Ben en fait, de un, enfin, déjà pour commencer, ce n'est pas nous, ce ne sont pas les frères, ce ne sont pas les savants qui ont inventé le terme. Il est mentionné dans le Coran, il est stipulé dans plusieurs endroits, en plusieurs versets du Coran. Allah, dans le Coran, à plusieurs reprises, nous demande de nous en désavouer. D'accord? At-tarot. Qui vient du mot arabe, sa racine atourienne, qu'on peut donner comme sens traductif, qui dépasse les limites. Donc, en gros, je répète ce que seulement les grands chouillours ont dit, en gros, le taroute, qui est donc le dépassement des limites, c'est en fait toute personne, ou, donc dans l'axe de la mobilité, ou bien qui peut être immobile, comme par exemple un arbre ou une statue, etc., qui peut être dont certaines personnes peuvent leur vouer, si vous voulez, une relation propre au tarot, qui dépasse leurs limites, dans le sens où ils concurrencent indirectement Allah l'exalté, ce qui est impossible, ce qui est une utopie, ce qui n'est pas possible. Mais de par leurs actionnements, ils essaient de dépasser leurs limites et donc de concurrencer Allah indirectement. Donc, parmi les formes de tawarit, il y a Iblis, qui a essayé de concurrencer Allah de par sa désobéissance. Il y a le sorcier qui essaie de dépasser ses limites de simple être humain, de simple créature qui doit être soumise à Allah en rentrant dans la science du ghaib, de l'invisible, alors qu'elle n'est réservée qu'à Allah l'exalté. Ensuite, il y a celui qui se fait adorer tout en étant satisfait. Je vous fais un petit résumé, bien sûr. Par exemple, Ibn Jarir, juste sur le verset Iyyaka na'budu, il a fait un gigantesque écrit et résumé, un tafsir dessus, dans lequel il dissocie, dans la shahada, il dissocie, et dans le fait, toi seul que nous adorons, il dissocie le négatif et l'affirmatif. Et dans le négatif, il engendre, il met en évidence, il relate le fait de se désavouer du tarot. Hein, donc l'implication de la négation Et ensuite, l'implication positive, affirmative, qui est le fait d'adorer Allah, et ensuite, bien sûr, l'actionnement du culte du tawhid. Il y a celui qui se fait adorer tout en étant satisfait. Pourquoi tout en étant satisfait? On va prendre un exemple simple. Isa, alayhi salam, Jésus, est adoré par certains chrétiens, surtout depuis l'explosion et la saturation de Paul de Tarse, alors qu'il n'a pas demandé cela, au contraire. Au contraire. Tout en étant satisfait. Et ensuite, tu as le gouverneur qui ne juge pas avec les lois d'Allah. Pourquoi? Parce que indirectement, il concurrence Allah dans ce qu'on appelle dans l'ordre al-hakimiyyat, dans l'ordre du jugement, dans l'ordre du législatif. Alors que ce droit n'est réservé qu'à Allah, c'est-à-dire dans le sens où le pouvoir exécutif est réservé à des humains, parce que quelque part il faut des juges, une administration juridique, mais qui prend comme référence, comme législation, le Coran et la Sunna, kalam Allah, la parole divine. Donc il y a ceux qui ne jugent pas que le Lord Allah, et cela concurrence Allah indirectement, si vous voulez, ils dépassent leurs limites de simples créatures, au lieu de se réformer au Coran et à la Sunna, ils dépassent cela pour essayer de concurrencer Allah, l'exalter. Dans ce champ qui est le droit à la législation. Et ensuite, il y a le juge. Donc voilà, je vous fais un petit résumé, vite fait, bien qu'il y a d'autres savants qui ont, via ces cinq catégories, en ont décortiqué encore plus. Bref, de toute façon, on vit dans une époque où, si vous voulez, il n'y a plus vraiment d'excuses, parce que les livres sont accessibles. À l'époque, tu ne devais pas te taper je ne sais pas combien de bornes pour aller à Al-Maktaba en Égypte ou autre. Tu vas à la librairie du quartier, il y a certains ouvrages. Tu veux Al-Muwatta de l'imam Malik, tu vas en face l'emprunter chez ton voisin. Tu vas à la librairie d'en face ou tout simplement tu peux le télécharger en PDF scanner et ensuite tu l'imprimes. Si tu aimes quand c'est palpable, tu l'imprimes. Si tu aimes lire sur l'écran, tu relis. Mais en même temps, un conseil que je vous donne, quand vous lisez un PDF, vérifiez quand même si ça a été bien scanné. Alors, logiquement, du moins avec le livre, même si c'est pas vraiment logique. Si on rentre un peu dans la logique socratienne, il n'y a rien de logique là-dedans, parce que quelque part, si tu télécharges un PDF, c'est parce que tu n'as pas la possibilité d'avoir accès au livre. Mais bon, s'il y a moyen de le faire et puis remettre le livre en question, ça sera bien, parce que sur internet il y a tout, il n'y a rien. Mais alhamdoulilah, en général, les frères sont sérieux quand ils font cette démarche là, quand ils scannent les livres. Donc je veux dire, on vit dans une époque, si vous voulez, il n'y a plus vraiment d'excuses. La science est là, les tickets d'avion sont pas chers pour aller s'asseoir et assister au cours de chouyour. Je veux dire, on vit dans une époque, voilà. La science est à portée de main pour l'arabe, pour le fiqh, pour la aqida, pour la da'wa, pour toute forme, même la science profane, je veux dire, elle est à portée de main. Il suffit d'y aller, il suffit d'avoir la volonté, bien sûr, et tout cela est soumis, bien sûr, au décret divin, à la volonté juridique ou universelle d'Allah, l'exalté soit-il. Enfin, soit. Donc, pour revenir, certaines personnes disent, mais pourquoi vous parlez tant du terme ta'ud? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui est primordial en islam. C'est le socle, il fait partie du socle. Certains savants l'ont émis, l'ont répertorié comme étant le premier pilier du tawhid. Le tawhid, sans cela, nos actions ne sont plus, deviennent vaines en fait. Elles ne sont plus prises en considération par Allah. C'est Allah, l'exalté lui-même, qui le dit. Et donc si tu doutes quelque part de ce verset et des paroles du Coran, c'est que tu doutes de la religion en elle-même. Donc tu doutes d'Allah et de son exigence. Donc cela fait partie, si vous voulez, de la base de l'islam. Et sans cela, toute autre action, sans le tawhid, sans l'unicité en lui-même, toute autre action ne compte plus. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui va dire, ouais, mais un tel, il n'a pas le tawhid, mais il a nourri des centaines de pauvres, des milliers de pauvres, il est bon, c'est quelqu'un de bon. Premièrement, comment tu peux définir la bonté d'une personne? Avec quelle échelle? Avec quel moyen? Je veux dire, quel engin? Avec quoi? C'est une sorte de, si vous voulez, c'est de l'ésotérisme, c'est des codes qui rentrent dans la télépathie, ou bien il y a une machine spéciale qui a été inventée par le doc. Je veux dire, hein, le doc dans Retour vers le futur, je veux dire, c'est avec quoi tu mesures cela? Déjà la bonté d'une personne. Seul Allah peut déceler ce qui est bon ou pas. Et en même temps, une personne peut nourrir des pauvres, mais être tyrannique avec ses parents. Voilà. En fait, si vous voulez, il ne faut pas laisser place au sentimentalisme. Si Allah, bon, l'exalté, a été clair en disant que la plus pire des injustices est l'association, c'est que c'est comme ça, c'est tout. Il a dit que la plus pire des injustices, c'est l'association. Il n'a pas dit c'est le vol, le meurtre ou autre. Ce qui veut pas dire que on banalise et on légitime. Non, c'est très grave. Mais l'association est le pire de tout. Et le vaccin, le remède contre l'association, est le tawhid. Et le tawhid, c'est l'étudier, l'apprendre, l'appliquer et le transmettre. Du moins, être le rapporteur, le facteur, l'orienteur de savants qui transmettent cela si on ne se sent pas digne. Donc, déjà, c'est important. Maintenant, certains, je répète, disent, oui, pourquoi vous en parlez tout le temps, etc. D'accord, c'est le premier pilier de l'islam, c'est le tawhid, mais pourquoi tout le temps en parler? Mais parce qu'on vit dans une époque, si vous voulez, où il y a plus de mecs qui vont voter ou qui associent Allah dans l'ordre du législatif, même s'il y a divergence concernant le pire ou le moins pire, mais le minimum, c'est les informer. Il y a plus de gens qui sont dans ce délire-là que de mecs qui vont sacrifier des poulets pour une statue du nom d'Odin ou de Jupiter ou d'autres. Je veux dire, faut être rationnel dans un certain moment. Même si, bien sûr, le rationalisme et la raison sont dissociables, et quand la raison, bien sûr, entre dans le cheminement qui a comme socle l'islam, le dogme qui est immuable, la jurisprudence qui est variable, mais qui a le même chemin qui revient vers l'immuabilité du dogme, là il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, voilà, faut avoir un esprit rationnel dans le sens où il faut se dire la chose suivante, c'est que qu'est-ce qu'on voit autour de nous, c'est qu'il y a plus de gens, si vous voulez, qui ont du mal à comprendre que le mot din, donc din, islam, ça ne veut pas dire religion, hein, dans l'ihsan al-arabe ou bien parmi l'explication de nombreux savants, nombreux chouyours, ils expliquent cela comme étant, enfin le din veut dire, si vous voulez, un système, hein, je caricature, je simplifie un peu, mais voilà, un système si vous voulez, structure de loi, mode de vie, voyez, et fait partie bien sûr de ce système-là, la loi divine. Et donc le côté législatif. Et c'est pour ça qu'on vit dans une époque où il y a plus de gens qui sont confus par tout ce qui est dans l'ordre du législatif ou non, que de mecs qui vont sacrifier un poulet pour une statue, pour un djinn, même si malheureusement ça existe encore. Et l'islam nous apprend, si vous voulez, à être le réceptif, d'accord, de ce qu'il y a autour de nous. Le miroir, dans le sens, enfin le miroir, mais opposé, pour répondre. Un exemple, quand Moussa, Moïse a été invité à faire la da'wa au peuple de Pharaon. C'était des gens, si vous voulez, qui étaient imprégnés dans la magie, dans la sorcellerie, etc. Et Allah a donné donc à Moussa alayhi salam le privilège et le pouvoir d'appliquer des miracles. Et donc, si vous voulez, c'était une réponse face à la magie, à la sorcellerie qu'il y avait en face. Issa, Jésus, alayhi salam, était venu à un moment où la médecine romaine était en hausse, elle vagabondait, elle était un peu exportée, elle était un peu plus démocratisée dans le pays de Canaan et autres. Et donc la médecine était en pleine émergence à ce moment-là. Et c'est là que Issa, alayhi salam, est venu avec, si vous voulez, le fait de guérir les lépreux, de guérir les morts, etc. Une réponse pure, saine, qui rentre dans le même, si vous voulez, dans la même, c'était, on va pas dire compétitif, mais on va dire dans le même registre. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, est venu à un moment où la poésie était en pleine émergence, et il est venu avec le Coran, d'accord? Un livre dont aucun poète ne peut égaliser. Pourtant, les Arabes et la poésie, masha'Allah, à l'époque quand même, hein? Donc, si vous voulez, il faut être le réceptif. Là, maintenant, on vit à une époque où, si vous voulez, beaucoup de gens ignorent, ne fût-ce qu'il y a divergence par rapport au vote. Juste ça. Beaucoup de gens entrent dans les partis socialistes, communistes et autres, même si le communisme est un peu mort en ce moment, du moins dans cette partie de l'Europe. Mais je veux dire, beaucoup de personnes rentrent dans des structures étatiques, etc., en pensant qu'il n'y a pas de mal, on peut être musulman, mais en même temps, je sais pas moi, marxiste, musulman socialiste, musulman de droite, et ainsi de suite. Et donc, c'est que quelque part, faut expliquer à ces gens-là. Et pour expliquer ça, faut revenir à la racine. Parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose à quelqu'un sans revenir à la racine, si vous voyez, si vous voulez. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on explique la racine, et on est obligé de passer par là, c'est comme pour toute science, comme pour toute discipline, les gens ont l'impression d'entendre ça partout, depuis un moment. Quoique, c'est quand même nouveau. Enfin, c'est nouveau, du moins dans le paysage francophone. On va dire belge et français. Parce que je me rappelle à l'époque, il y a 10 ans en arrière, quand je parlais de tarot, on me prenait pour un fou. Maintenant, on va dire que ça s'est un peu plus expansé, du moins avec le support internet. Mais donc, c'est quelque chose qui est important à comprendre, important justement à prendre en considération. C'est que voilà, on est obligé de revenir à la racine. Donc, on se débrouille, chacun à sa manière. D'autres frères font des traductions de fatawa ou de livres de savants. D'autres passent par l'axe auditif parce qu'ils sont plus faciles à l'oral. D'autres passent par l'écrit, d'autres passent par les conférences. D'autres Alhamdoulilah, je veux dire, il y a du khair, il y a du bon. Mais il y a encore, si vous voulez, ce manque, ce comble. Voilà. Il y a un manque à combler dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui sont là qui savent pas trop. Vous voyez, le tarot, c'est quoi? C'est quoi le projet? D'où ça sort? Après, le terme en lui-même, le mot, c'est pas vraiment important. Bien sûr, enfin, quand je dis que c'est pas important, faut me comprendre dans le sens où, tant que la wasila est là, si vous voulez, le cheminement, on va dire, schématico-actionnel, qui va aller dans le même but, si vous voulez, de la racine en elle-même, c'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui se désavoue du tarot sans bien comprendre les conditions, les noms, mais qu'il fait quand même, il appliquait, si vous voulez, il appliquait cela sans passer par la wasila orthodoxe, si vous voulez. Simplification schématique pour mieux comprendre la chose. Donc, voilà, mais il y a beaucoup de personnes qui non seulement ne connaissent pas l'existence du terme en lui-même, ni la wasila, et ni ne l'appliquent, ne savent pas. Pour eux, c'est nouveau. Alors qu'il est stipulé, subhanallah, plusieurs fois dans le Coran. Et pour les gens qui ne sont pas adeptes des livres, par exemple Ibn Qudamah al-Maqdisi, Kitab al-Fiqh, ça me dit rien, ou Al-Muharrad ibn Hazm, ça me dit rien, j'aime pas lire. Ben regarde la série Omar, enfin, même si certains savants les déconseiller, ben regarde, à un moment donné, t'as même les acteurs qui jouent les Sahaba, après il y a divergence pour ou contre, mais façon de parler, même eux, ils en parlent à un moment. Il te dit qu'il faut se désavouer du tarot. Donc c'est quelque chose, je veux dire, qui n'est pas inventé. Hein, je dis ça plus aux gens, à cette parcelle de populace qui n'aiment pas trop lire, qui sont plus dans le visuel, audiovisuel, etc. Même les séries vous le disent. Oui, dans le Coran, c'est clair. Ibn Jarir a fait un travail exceptionnel sur ça, Suyuti, etc. Hamoud Qurashouhaibi, pour ceux qui le connaissent. Enfin, je veux dire, les savants, c'est pas ce qui manque. Les explications de savants, c'est pas ce qui manque par rapport à ce sujet-là. Mais les gens doivent comprendre que si beaucoup de frères restent entre guillemets focalisés, alors que bien sûr il n'y a pas que ça dans l'islam, il y a de tout. Le fiqh est important, au sol, le fiqh est immense. Je veux dire, il y a beaucoup de sujets, je sais. Mais si, en gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, il faut pas en vouloir à certains frères qui restent axés dedans, parce que faut les comprendre. Ils voient autour d'eux, si vous voulez, un manque par rapport à ce sujet-là, alors que c'est le socle, il fait partie du socle islamique. Le désaveu du tarot est important en islam. Et donc, si vous voulez, il y a des personnes qui ne se renseignent même pas. Et c'est ça qui est le plus fatigant, le plus saoulant et le plus incompréhensible. C'est que des personnes ne se cassent même pas la tête à essayer de comprendre. Le tarot, ah, je ne sais pas c'est quoi, laisse-moi tranquille. Mais subhanallah, sans ça, ton tawhid n'est pas valide. C'est pas moi qui le dis. C'est ni les chouyours, c'est Allah, l'exalté, qui le dit clairement dans le Coran et le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais vraiment, vraiment de façon sérieuse. C'est quelque chose d'important. Et donc, quand certains frères parlent de Tarout, etc., revenir à la racine, faire ses recherches là-dessus, qu'est-ce que le Tarout maintenant, on va transporter le terme Tarout, sa notion et son mécanisme dans le paysage contemporain. Et qu'est-ce qu'un tarot personnifié en ce moment? Comment s'en désavouer, etc., etc. C'est quand même quelque chose qui est important. Parce que quand ça parle de mariage, on est les premiers. Quand ça parle de polygamie, on est les premiers. Subhanallah, allez savoir pourquoi. Hein? Mais quand ça parle de tarot, là, voilà. Et puis après, certains, oui, il y a peut-être certains frères qui le font maladroitement, qui parlent de ce sujet maladroitement, etc. Mais voilà, il y a la niya, il y a le fait, si vous voulez, il y a le côté idéaliste, on veut changer le monde et tout, parce que voilà, ils ont eux aussi, c'est pareil. Parce que si vous voulez, il y a eu cette frustration après 15 années, 20 années passées un peu dans les bancs du champ maghrébo-musulman, et n'avoir jamais entendu cela, et puis un jour tu tombes sur un livre, et tu tombes sur les versets, et puis tu vas dans le Coran, et tu lis les versets qui en parlent, et puis tu vois l'importance de ce sujet-là, et là si tu veux changer le monde en parlant tout le monde du tarot, et ce qui fait que ça donne des fois des frères un peu, on va dire, à l'esprit un peu frontal, et donc ça peut faire en sorte qu'en face, les gens ont un peu peur. Mais qu'est-ce qu'il a toujours avec le tarot? Donc c'est pour ça que des deux côtés, certains frères doivent un peu se calmer, donc parler avec pédagogie. Je dis pas que j'en suis un, je dis pas que je suis un pédagogue par excellence, mais je veux dire, essayer d'en parler avec pédagogie. Et en même temps, ceux d'en face doivent arrêter d'être oisifs. Hein? C'est fini ça, le twist et tout, c'est terminé. Donc quelque part, c'est important. Les gens doivent se mettre ça en tête. Le désaveu du tarot fait de toi, donne ton islamité ou non, fait de toi si tu es musulman ou non. Et c'est pas moi qui le dis. Après, les gens vont dire, ouais, mais il y a des interprétations, interprétations. Non, non, non, on parle même pas de ça. C'est pas question d'interprétation. Tu vas à la source, tu vas dans le Coran et tu prends son tafsir, parmi les orthodoxes. Voilà, les mufassirin, orthodoxes. Ibn al-Abbas, Ibn Kathir, le Mujahid, si tu veux. Il n'y a aucun problème. Et donc, c'est important à savoir, à comprendre, à appliquer, à transmettre. Et là, je vais lire un commentaire que j'avais mis à l'époque sur un forum. Donc, pour une vision plus proche du terrain, certains disent, pourquoi toujours la charia? Pourquoi toujours le terme tarout? Vous ne vivez pas en terre de charia, etc. Pourquoi le tarout, etc., etc. Je le réponds. Donc, c'est un commentaire que j'avais fait à l'époque. Mais bon, comme là, on est dans l'ordre des audios, donc ça reste un peu plus à travers le temps, tandis que les commentaires dans les forums sont un peu oubliés. Voilà, donc, pour un peu résumer, pour répondre à ce genre de personnes, donc ils disent pourquoi tout le temps la charia, pourquoi tout le temps le tarout, hein? Le plus important, c'est que dans la véracité de ton cœur, tu sois convaincu que la meilleure des lois est la loi d'Allah, l'exalté. Peu importe si tu meurs en terre islamique ou non. Cette véracité en cette loi n'en désirée en aucune autre, même si malheureusement tu en subis une autre. Hein, parce qu'il y a un lien quand tu désaveux du tarout en lui-même, dont bien sûr la branche principale qui est négligée en ce moment, c'est le terme législatif. Alors que le tarout, bien sûr, n'englobe pas que ça, mais en même temps, les sorciers, excusez-moi, mais à Bruxelles, allez voir les files. Hein, allez voir les files de sorciers, de gens qui associent Allah dans l'ordre du rib, ben, ils sont toujours remplis, donc ça joue aussi là-dedans. Mais là, on va plus parler, si vous voulez, de l'approche législative. Donc, n'en désire aucune. C'est comme pour le désaveu du tarout. C'est pour toi avant tout, pour ton cœur. Même si certains tawarit et systèmes de tarout sont à des kilomètres de chez toi, c'est pour toi. Car Allah l'exalté te demandera pourquoi n'as-tu pas pris comme désaveu ou comme allié tel ou tel système, dans le sens d'in. D'accord? À lire la définition de ce terme pour comprendre qu'il ne se limite plus. Qui ne s'habite pas qu'à la religion. Plus que la religion, pardon. Donc le terme din. Si tu meurs dans l'état suivant, à savoir, par exemple, j'aime la démocratie ou j'aime le communisme, la loi d'Allah est archaïque, etc., etc. Donc tu es convaincu de cela, la conviction de cela. J'ai peur pour cette personne, même si elle se revendique musulmane. Le minimum est de ne pas rentrer dans la sphère politique sans tacler la vie sociale. Hein? Qui sont tous les deux différentes, malgré ce qu'on peut entendre ou lire. Allah l'exalté nous dit dans Sourate 4, verset 60, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tarot alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Certains diront, pourquoi vous insistez tant sur la notion de tarot alors? Pourquoi? Encore, hein? Car qu'on le veuille ou non, son désaveu fait partie de la base de l'islam. Et sans son désaveu, aucune prière, aucun hajj, aucun jour de jeûne n'est pris en compte. Lisez tous les ouvrages qui traitent du sujet. Les exégèses relatant ce sujet. La sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles des savants. Lisez le contexte du kufr dans un kufr. Le comment de la réaction du désaveu d'Abu Bakr à ceux qui ont refusé de payer la zakat. Les règles de Sulh al-Fiqh. Rien ne vient de nous, tout leur vient d'eux. Et vous verrez l'importance de cette notion et le pourquoi que tant de personnes insistent sur cette notion. Aussi bien chez les savants de l'islam, qui le font très bien, que parmi le musulman lambda, maladroitement ou non. Donc si vous voulez, c'est quelque chose, avant tout, c'est pour vous. Et ensuite, bien sûr, l'appliquer. Soit si Allah le voudrait, bi-idhnillah, à l'échelle étatique, soit à l'échelle personnelle. Mais c'est pour vous. Et là, ce n'est pas question de jihad, ça n'a strictement rien à voir. Le jihad, c'est à part. Jihad nafs ou bien jihad al-qital, jihad saif, jihad al-nifaq. D'ailleurs, Ibn Kathir en a relaté, je pense, plus de 50. Enfin, soit, c'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Là, on parle de dogme, de choses qui doivent être immuables. Vous comprenez? Et donc, le tarot en lui-même, c'est quelque chose qui est important. Important. Donc, moi, si vous voulez, je suis juste un rapporteur. C'est un audio improvisé à la va-vite que que je fais. Inch'Allah, en dessous de la vidéo, je vais essayer de mettre des liens francophones parce que voilà, je parle en français, je m'adresse à un public francophone. Pour ceux, pour ceux qui le font en langue arabe, c'est pour un public entre guillemets arabe. Pour ceux qui le font en indonésien, c'est pour un public indonésien. Voilà, je ne suis pas là pour me la jouer. Je connais le tajwid, la langue arabe, je la maîtrise ou je la maîtrise un peu ou si ou ça. Ça, on s'en fiche. On laisse ça pour l'ostentation et les concerts de twist. Là maintenant. Il faut prendre les personnes selon leur niveau, selon leur facteur climatique. Comme disait Ibn Hazm, quand tu vois un ivrogne, donne-lui comme alternative l'enivrement islamique. D'accord? Donc, pour les frères qui écoutent et qui sont francophones, et pour Inch'Allah, pour commencer une première démarche, etc., il y a quelques liens avec référentiel à l'appui, donc avec tous les ouvrages, connotations de pages, etc., chapitres, ce que vous voulez, pour aller vérifier ça dans les maktabas, dans les librairies, et Inch'Allah, vous ouvrir à plus de perspectives par rapport à ce cheminement, parce que c'est quelque chose qui est quand même important. Quelque part, faut pas négliger, parce que sans cela, on n'est plus musulman, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est aussi simple que ça. Ça fait 10 ans, voire plus, quand j'avais 17 ans, 16, 17, 18 ans, je parlais de ça autour de moi parce que je découvrais quelques chiour à gauche à droite. Hamoud Qrachou Haibi, voilà, Mohamed Amin Chanqiti, j'écoutais, je lisais, je demandais à certains frères de me ramener leur dernière fatwa, etc. Je m'intéressais à ça et puis après, je suis plongé, voilà, le tafsir d'Ibn Kathir qui en parle clairement. Ibn Jarir et compagnie, Ibn Abbas qui est clair par rapport à cela, je veux dire, voilà, et puis ensuite, t'as envie de partager ça aux gens. Pourtant, c'est dans le Coran, les versets sont là. Et quand on parlait, on te prenait pour un fou à l'époque. Hein. Je parle d'il y a 10-15 ans. Mais alhamdoulilah, maintenant, on va dire qu'il y a une démocratisation de cela, sans jeu de mots. Et c'est bien, mais en même temps, il y a encore une très très large confusion, perdition par rapport à cela. Il y a beaucoup de frères qui ignorent. Voilà, qui ignore. Tout simplement, c'est quoi le désaveu du Tarout? Ou bien ils entendent tellement, tellement, tellement, tellement maladroitement à gauche, à droite qu'ils n'ont pas envie d'aller étudier cela. Alors que non, ne fais pas ça pour les gens. Tu seras seul dans ta tombe, fais-le pour toi, Inch'Allah. C'est important, c'est primordial. D'accord? Et voilà. Il faut avoir ce cheminement-là, Inch'Allah. Salam.